France Inter, il est 7h15. Bonjour Stéphane Faure. Bonjour. Votre enquête nous rassurera-t-elle? C'est que la question posée est importante. La carte bancaire est-elle aussi fiable qu'on vit bien nous le dire? En fin de semaine dernière, donc, un nouveau réseau de fausses cartes a été démantelé en Île-de-France. Avec l'arrivée de la carte à puce, c'était il y a 12 ans. Le nombre des arnaques avait été divisé par 10. Ça a été divisé par 10, ce qui représente encore, selon les sources, entre 70 et 274 millions d'euros de fraude. Mais Stéphane, sommes-nous aujourd'hui bien protégés contre les risques et quels sont d'ailleurs ces risques? Le principal risque, évidemment, c'est de se retrouver par exemple dans la situation de Martine. Je consulte chaque soir mon compte et vendredi 6 mai, je me suis aperçue que j'avais un compte totalement débiteur, alors que la veille, il était encore créditeur. Le lendemain, j'ai appelé les services financiers qui m'ont dit que j'avais eu deux retraits, un de 273 euros et l'autre de 158 euros. J'ai tout de suite soupçonné que c'était une fraude, certainement. À mon avis, ça a dû se passer sans doute au distributeur. J'ai fait immédiatement opposition de ma carte bancaire. J'ai également envoyé une lettre de réclamation au service financier afin qu'ils me restituent les sommes. Et donc, ils m'ont dit qu'ils feraient une enquête qui va durer à peu près 15 jours, donc j'attends. Heureusement que je n'ai pas de découvert autorisé, sinon j'aurais eu une somme plus importante prélevée. Et tous les prélèvements mensuels ont été rejetés. Donc je vais avoir des agios à payer en plus. Heureusement que j'ai une amie qui m'a avancé 200 euros pour finir le mois. Je n'avais plus rien du tout, absolument plus rien pour vivre. Alors finalement, Martine a récupéré son argent en 15 jours. Elle espère maintenant le remboursement de ses agios. Et si Martine a été remboursée, eh bien c'est parce qu'une loi, en 2001, a grandement amélioré la protection des consommateurs. À l'origine de cette loi, il y a le député communiste Jean-Pierre Brard, membre de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. Quand à l'évidence, l'usager est de bonne foi et qu'il a été victime d'une arnaque, le banquier doit rembourser, sauf une franchise de 150 euros et encore pas dans tous les cas. Donc nous avons mis les banquiers sous la pression et nous avons rendu les banquiers beaucoup plus dynamiques dans le combat contre la fraude, puisque auparavant ce ne sont pas les banquiers qui payaient la fraude, mais c'était la victime, ou quand la victime se rebellait, les banquiers faisaient payer par les commerçants. Aujourd'hui, ce sont les banquiers qui doivent payer, et donc les banquiers sont devenus beaucoup plus vigilants. Mais Stéphane Faure, les banquiers, les banques informent-elles bien les consommateurs? Alors, elles ont fait des progrès dans ce domaine. C'est vrai que il y a quelques temps, c'était vraiment l'opacité qui régnait. Aujourd'hui, la Fédération bancaire française a notamment édité une brochure et puis un site internet www.lesclésdelabanque.com et vous trouverez toutes les explications. Il faut savoir que vous avez 70 jours pour contester une opération frauduleuse, donc il vaut mieux vérifier son compte régulièrement. La loi oblige alors la banque à vous rembourser dans un délai tout simplement de 30 jours maxi, mais un mois, évidemment, c'est parfois un peu long quand on n'a plus un sou, donc on cherche à se protéger et on succombe facilement aux sirènes des banques qui promettent un meilleur remboursement si on contracte une assurance. Attention, prévient Jean-Pierre Brard, dans ce cas, l'arnaque change de camp, l'assurance n'est pas obligatoire.